Là, on peut voir depuis un bout de temps, là, au moins depuis le 20e siècle, pas mal, que l'intellect engendre de la subjectivité et il nous dessert. Va falloir entrer dans une autre phase, créer quelque chose qui est métaconscient, dans le sens de une capacité d'observation objective des mécaniques de la subjectivité de la pensée humaine, pour ne pas souffrir inutilement. Puis rentabiliser notre souffrance au niveau de l'énergie ou notre expérience, je dirais plutôt. C'est ça, être créatif. Puis il va falloir rentrer dans notre intelligence. C'est-à-dire, l'être humain est intelligent, puis il ne sait pas qu'il est intelligent. C'est ça l'affaire de conscience. Il y a moyen d'être intelligent sans être conscient. Il va falloir à un moment donné développer autre chose, puis entrer dans autre chose. C'est pour ça que le système, comme il est là, je ne peux pas moi, me mettre à combattre le système, puis il va se détruire de lui-même. Il y a juste le système qui peut détruire le système quand le système est désuet. Dans le sens, c'est des lois